franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Ce sont des oubliés de la guerre froide, des oubliés et des victimes. Un petit peuple, purement et simplement expulsé de son habitat traditionnel pour faire place à une gigantesque base militaire. Et comme si cela ne suffisait pas, ces malheureux qui ont dû quitter leurs îles en toute hâte, sans même avoir le temps de rassembler leurs maigres biens, ont ensuite été relogés très loin dans des conditions misérables, sans réelles indemnités et avec interdiction de revenir chez eux. Ces gens, ce sont les Chagossiens, ou les Ilois, comme on les appelle aussi, des habitants d'un archipel de l'océan Indien, situé au nord de l'île Maurice, qui a le malheur d'occuper une position stratégique dans cette région du monde, hier comme aujourd'hui. Ce que va démontrer M. X en relatant cette injustice. En attendant, j'emprunte ces quelques lignes à Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature, qui écrivait ceci dans un récent plaidoyer pour les Chagossiens, publié dans Libération. Qu'importe une poignée d'Ilois, petits agriculteurs pêcheurs à la ligne, dans leurs lagons, quand les intérêts stratégiques et militaires sont en jeu et que ces îles lointaines, perdues au milieu de l'océan Indien, peuvent être transformées à vil prix en une des bases les plus opérationnelles du monde, comme elle le fut pour les bombardiers de la guerre du Golfe. La suite avec M. X. Na, na, na, na, na. Na na na na na na na. Blues dans moi, grand matin comme au lever. Blues dans moi, le ciel pâle et vide. Musique d'un mot légué à l'hyper-bâté. Si l'exil forcé des habitants des Chagos s'est déroulé dans les années 60 et 70 dans un silence total, ces Éliens n'ont cessé ensuite de dénoncer l'injustice qui leur avait été faite. Et ils ont été parfois soutenus par l'État qui les a accueillis, Maurice, qui pour sa part réclame aussi que cet archipel lui soit rendu. Parce que les Chagos, ça leur appartenait à l'île Maurice ? Oh, disons plutôt que l'archipel semblait dépendre naturellement et géographiquement de Maurice, colonie britannique, qui a acquis son indépendance en 1968. Mais justement, je vais revenir sur ce point précis. Car le colonisateur, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, a usé d'une véritable entourloupe pour continuer à s'assurer du contrôle des Chagos. En tout cas, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est que le destin de l'archipel est toujours juridiquement en question. Et que les Chagossiens n'ont pas renoncé à se battre. C'est ça. À plusieurs reprises, les instances internationales ont été saisies. Malheureusement, le dernier épisode leur a été défavorable. En décembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la plainte des Chagossiens contre le gouvernement du Royaume-Uni. Une décision absolument incompréhensible et même, si vous voulez mon avis, plutôt honteuse. Tant il apparaît que les droits de ces malheureux ont été scandaleusement bafoués. Mais qui se soucie vraiment du sort de ces îlois ? D'accord, alors, quelques précisions là, sur la situation et l'histoire de cet archipel. Les Chagos, que les créoles appellent aussi les îles Lao, sont situées dans le centre de l'océan Indien, au sud du sous-continent indien et à mi-chemin entre les côtes orientales de l'Afrique à l'ouest et de l'Indonésie située à l'est. Dans leur lointain environnement, on trouve les Maldives au nord, les Seychelles à l'ouest et les Mascareignes dont l'île Maurice au sud-ouest. Mais l'important est que les Chagos sont à égale distance des routes maritimes traditionnelles qui sont vitales pour les puissances occidentales. Ouais. Combien d'îles ? Oh, une soixantaine. Mais certaines ne sont que des confettis. Songez que l'ensemble ne représente que 60 km² de terres immergées. L'île la plus importante, dont nous allons beaucoup parler, c'est Diego Garcia, du nom de l'explorateur portugais qui l'a découverte au XVIe siècle. Diego Garcia, c'est l'atoll le plus méridional de l'archipel. Ces terres émergées entourent un lagon qui constitue un port naturel pouvant accueillir les plus grands navires du monde. Un lagon, alors, très profond. Et c'est assez exceptionnel. Alors, l'histoire, maintenant. Parlons d'abord de l'île Maurice. Elle a été découverte par des marins arabes, mais les Portugais ont été les premiers Européens à y débarquer au début du XVIe siècle. Puis, ce sont les Hollandais qui en prennent possession afin d'y exploiter le bois. Ensuite, les Français conquièrent l'île en 1715 et la baptisent Île-de-France. 60 ans plus tard, le gouverneur de Maurice s'empare de Diego Garcia, l'île de l'archipel de Chagos, la plus grande et la plus proche. Il s'agit donc du premier lien entre Maurice et les Chagos, là. Effectivement. Diego Garcia est colonisé et exploité grâce à des esclaves africains et malgaches, comme dans toutes les autres îles des Mascareignes. Qui cultive-t-on là ? La principale richesse est la cocoterie. On extrait des amandes de coco, le copra, qui sert à fabriquer de l'huile. C'est alors un marché très lucratif pour la Compagnie des Indes françaises. Au début du 19e siècle, Français et Britanniques s'affrontent. L'objectif, c'est le contrôle de la route des Indes. Essentiel pour Londres. Et ce sont les Britanniques qui l'emportent et s'emparent de presque toutes les îles de la région, dont Bourbon, la future Réunion, et l'île de France, rebaptisée Mauritius. Et bien entendu, ils occupent aussi l'archipel des Chagos. Toutefois, en mai 1814, le traité de Paris permet la rétrocession de Bourbon à la France, tandis que Maurice devient une colonie de plantation de canne à sucre très rentable. Et les Chagos, alors ? Pour les colons britanniques, l'archipel ne présente aucun intérêt économique. Par conséquent, les Chagos sont livrés à elles-mêmes. Et les habitants, qui sont les descendants des anciens esclaves, vont vivre en autarcie pendant un siècle et demi. Quasi indépendants, donc. Tout à fait. De quoi vivent-ils ? Ils continuent à exploiter le copra qu'ils vendent à des compagnies mauriciennes. Il y a aussi la pêche. Mais ils mènent une existence très pauvre, très rudimentaire, et dépendent des rations alimentaires qui sont livrées par un bateau de Maurice qui fait la navette une fois tous les deux mois. Et ces habitants des Chagos, là, combien sont-ils ? En 1967, l'année où leur destin va basculer, on estime qu'ils sont environ entre 1500 et 2000 sur l'archipel. C'est très peu, hein, malheureusement. Enfin, n'allons pas trop vite. C'est dans les années 60, en pleine guerre froide, que les stratèges occidentaux commencent à lorgner sur les Chagos. Mais pour quelle raison ? L'URSS monte alors en puissance dans cette vaste zone qui a toujours été considérée comme un lac de paix britannique. Les Soviétiques viennent en effet d'édifier des bases au Mozambique et en Somalie. Et parallèlement, la Grande-Bretagne a perdu quelques-uns de ses points d'appui, notamment à Aden. Bref, le contexte est de plus en plus défavorable aux forces occidentales. Les Anglo-Saxons cherchent donc à établir dans l'océan Indien des bases militaires afin d'assurer la liberté de navigation sur l'ancienne route maritime des Indes. Et les Chagos seraient un lieu idéal pour y installer une base. Dès 1961, un rapport de l'US Navy pointe l'île de Diego Garcia en raison de sa situation stratégique, de son isolement, mais aussi de son très faible peuplement. Mais attendez, si les Américains là, veulent s'y installer, ils doivent composer avec les Anglais qui exercent toujours la tutelle coloniale sur Maurice et ses dépendances. En principe, oui, même si Londres ne s'est pas vraiment préoccupé des Chagos, en tout cas. Au cours de ces années 60, des discussions secrètes sont entamées entre les deux alliés, représentés par le Premier ministre britannique Harold Macmillan et le président John Fitzgerald Kennedy, et débouchant sur un accord secret conclu en décembre 1966. Un accord immédiatement applicable. Et quels en sont les termes ? Les États-Unis s'engagent à installer une importante base militaire dans la région afin de défendre les intérêts du camp occidental. Mais il y a deux conditions qui d'emblée souligne combien le projet est douteux, sinon pervers. Je vous écoute, là. D'abord, le territoire britannique retenu pour abriter cette base doit échapper au processus de décolonisation. Ensuite, sa population doit être entièrement évacuée. Mais pour quelle raison ? Les Américains invoquent des raisons de sécurité. Mais la sécurité qui aurait pu être menacée par ces pauvres habitants des Chagos ? Oui, je suis d'accord avec vous. Ça me paraît pas très sérieux, tout ça. En tout cas, ça veut donc dire que, dès le départ, la décision d'expulser les Chagosiens est prise. C'est certain. Auparavant, avant de signer le traité, le nouveau Premier ministre britannique, le travailliste Harold Wilson, a dû discuter avec son homologue mauricien, un travailliste, lui aussi, Sir Rangolon. Mais Maurice n'était pas encore indépendante, là. Elle ne le sera qu'en 1968, mais déjà, l'île s'auto-administrait. Et cette discussion, alors ? Il s'est agi d'un véritable marchandage. Contre l'indépendance de l'île et une compensation financière de 3 millions de livres, le Britannique a persuadé le Mauricien de renoncer à l'archipel des Chagos. Mais en fait, puisque l'indépendance de Maurice était inéluctable, cette somme de 3 millions de livres équivalait à l'achat des Chagos. C'est peu cher payé. Ce dont se sont rendus compte quelques politiciens mauriciens qui ont protesté. Alors, Wilson a recouru à l'arme fatale. L'arme fatale, c'est-à-dire ? Il a menacé de consulter par référendum le peuple mauricien sur la question de l'indépendance. Or, les autorités de l'île n'étaient pas assurées de gagner, car de nombreux Mauriciens préféraient rester britanniques. En conclusion, le Premier ministre mauricien a cédé devant cette forme de chantage. Bien entendu. Et il a abandonné ses droits souverains sur les Chagos. Alors c'est ça l'entourloupe là, dont vous avez parlé ? Pas seulement. Car dans cette affaire, Harold Wilson s'est bien gardé de dire à son homologue mauricien que les Américains installeraient une base aéronavale à Diego Garcia, car les Mauriciens auraient été beaucoup plus méfiants, sinon hostiles. Expliquez alors. Comme d'autres peuples de la région, ils se refusaient à voir l'océan Indien être partie prenante dans cette rivalité militaire entre les Occidentaux et les Soviétiques, parce qu'ils craignaient par-dessus tout l'introduction d'armes nucléaires dans la région. Précision à propos du traité passé entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Voici ce que l'on lit dans un article du professeur de droit André Oraison, publié par la revue Afrique contemporaine en 2003. Après avoir décrété dans son article premier que le territoire demeurera sous la souveraineté du Royaume-Uni, le traité dispose en effet dans son article 11 « Le gouvernement des États-Unis ». Et le gouvernement du Royaume-Uni prévoit que les îles resteront disponibles pendant un laps de temps indéterminé afin de répondre aux besoins éventuels des deux gouvernements en matière de défense. En conséquence, après une période initiale de 50 ans, le présent accord demeurera en vigueur pendant une période supplémentaire de 20 ans, à moins qu'un des deux gouvernements, 2 ans ou plus avant la fin de la période initiale, notifie à l'autre sa décision d'y mettre fin auquel cas le présent accord expirera 2 ans après la date de cette notification. Pour arriver à ses fins, avant de signer le traité avec Washington, Londres a réalisé un autre tour de passe-passe. La création, en novembre 1965, par un décret-loi des TBOI, c'est-à-dire les territoires britanniques de l'océan Indien. Cette nouvelle entité regroupe les Chagos, ces 3 îlots dispersés dans la partie occidentale de l'océan Indien et postés en sentinelle au nord de Madagascar. 3 petits territoires qui ont été détachés des Seychelles, mais ils leur seront restitués après l'indépendance de ces îles en 1976. Alors ce TBOI là, ne comprendra plus que le seul archipel des Chagos. Et bien sûr, la création de cette nouvelle structure a fait l'objet d'une déclaration à l'ONU. Détail révélateur, les représentants du Foreign Office aux Nations Unies ont reçu pour instruction d'éviter de faire référence à des habitants permanents sur les Chagos. Et comment a-t-on réagi à l'ONU alors ? Très mal. Mais pourquoi ? Via une résolution votée par 86 pays, 27 s'étant abstenus, dont la France, les Nations Unies ont officiellement protesté et affirmé l'unité territoriale des territoires de Maurice. Dont les Chagos ? Évidemment. Mmh. Elles ont surtout dénoncé le démembrement de ces territoires dans le but d'établir une base militaire. Mais sur le plan du principe, les Nations Unies ont aussi considéré qu'il était interdit de démembrer des colonies avant leur indépendance. Cette condamnation de l'ONU a été accompagnée par de vives protestations des États riverains, à commencer par celle de l'Inde, très hostile à la manifestation de la rivalité des 2 supergrands dans la zone afro-asiatique. En outre, il faut bien remarquer que l'instauration de ces TBOI était une sorte d'anomalie juridique en ces temps où les grandes puissances accordaient l'indépendance à leurs colonies. Précisez. Hein. Eh bien, la Grande-Bretagne crée une nouvelle colonie. Et comme toutes les colonies, elle sera administrée par un gouverneur. D'abord celui des Seychelles, puis par un haut fonctionnaire de Londres après l'indépendance des Seychelles. J'ajoute que le traité passé avec les États-Unis a été assorti de conditions très favorables pour la Grande-Bretagne. Par exemple, hein? Londres a obtenu un rabais de plus de 8 millions de dollars pour l'achat de fusées Polaris destinées à équiper ses sous-marins atomiques. Mais Washington a aussi consenti une indemnité de 11 millions de dollars pour couvrir les premiers frais engagés à Diego Garcia pour faciliter la future installation états-unienne dans l'île. Bref, plutôt une bonne affaire pour les Britanniques. Hein. Incontestablement. Restez maintenant non seulement à faire de Diego Garcia un véritable porte-avions terrestre indestructible, mais aussi à accomplir la tâche la plus délicate. Ouais, je vois, l'expulsion des autochtones. Et selon le contrat passé avec les États-Unis, cette sale besogne revenait à Londres. Il fallait faire place nette, et encore une fois, les Britanniques ont menti, en prétendant sans doute pour se dédouaner que les Chagos, et surtout Diego Garcia, n'étaient habités que par des saisonniers. Et pas par une population pérenne, donc. Mmh. Alors comment ont-ils procédé ? Cette déportation des habitants des Chagos, car c'est bien de déportation dont il s'est agi, s'est effectuée en plusieurs fois, entre 1966 et 1973. Et les Britanniques, fidèles à eux-mêmes dans cette affaire, vont à nouveau mentir et user de subterfuges pour vider l'archipel de ses habitants légitimes. De subterfuges, dites-vous, hein ? Et pas des plus glorieux. Je vous raconte. Les Chagossiens qui font le voyage à Maurice pour se soigner ou pour toute autre raison ne sont pas autorisés à revenir dans leur île. On leur interdit l'accès au bateau de retour. Autre manœuvre utilisée par les autorités britanniques. Les navires qui ravitaillaient l'archipel en vivres et en médicaments se font de plus en plus rares. Par conséquent, les habitants sont peu à peu contraints de quitter leur île. Entre 1966 et 1970, sur les 900 familles de Diego Garcia, 250 sont donc obligées de partir. Où vont-elles ? Majoritairement, ces Chagossiens rejoignent Maurice, mais parfois aussi les Seychelles. Toutefois, pour l'administration coloniale, c'est encore trop peu. Alors, on imagine une mesure encore plus radicale. Les plantations de cocotiers qui appartiennent à des sociétés mauriciennes et où travaillent les Ilois sont peu à peu rachetées. Et il est aussitôt mis fin à leur exploitation. Ah oui, alors, n'ayant plus de travail, les ouvriers agricoles doivent s'exiler. Bien entendu. Ils n'ont pas d'autre choix, d'ailleurs, s'ils veulent nourrir leur famille. En 1971, les premiers militaires américains débarquent à Diego Garcia illico, les autorités britanniques procèdent à l'expulsion de 800 familles qui sont envoyées dans les îles situées à l'extrême nord de l'archipel, où elles vont subsister dans des conditions très précaires. Cependant, malgré tous ces expédients, il y a toujours des Chagossiens, Diego Garcia. Alors, comment faire? Les Britanniques vont utiliser les grands moyens. En 1973, les dernières familles sont obligées de monter dans un cargo sans même avoir la possibilité d'emporter les biens qu'elles possèdent. Ces Chagossiens ne sont-ils pas tentés de se révolter? Ces derniers habitants de l'archipel sont affamés parce qu'ils ne sont plus ravitaillés. Et puis, ce sont de pauvres gens, inorganisés, généralement analphabètes. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de monter sur ce cargo qui, détail révélateur, est un bâtiment civil. Ah ouais, les autorités britanniques ne veulent pas apparaître, quoi. Oui, mais enfin, ce sont quand même bien elles qui ont affrété ce cargo qui fait aussitôt route vers Maurice. Et les Chagossiens ne sont pas encore au bout de leur malheur. À peine arrivés, on les entasse dans des bidonvilles de la capitale. Et puis on va les y oublier. Les autorités britanniques, qui sont donc les maîtres d'œuvre de leur déportation, là, ont-elles malgré tout prévu des compensations? Oh, certes, Londres a promis de leur verser au total 3 millions de livres. Mais les Chagossiens n'en ont jamais vu la couleur. Qu'est devenu cet argent? S'il a été réellement versé, ce qu'on ne sait pas, il est resté dans les caisses du gouvernement mauricien. Et si enfin, en 1978, on a consenti à verser à chaque Chagossien 17 000 roupies, soit à peu près une vingtaine d'euros, c'est à la condition de signer une renonciation au droit au retour. Une sorte de chantage. Et un abandon qui va nourrir les ressentiments légitimes des Chagossiens. Et peu à peu, leurs revendications aussi. Mais enfin, j'y reviens tout de suite. En attendant, un mot sur la finalité de cette opération, c'est-à-dire l'édification de la base militaire états-unienne de Diego Garcia. Dès mars 1973, au moment même où les derniers Chagossiens sont contraints d'abandonner leur patrie, la base est déclarée officiellement ouverte. Et les Américains vont y consacrer des centaines de millions de dollars. Ouais, des chiffres à comparer avec les misérables compensations accordées aux déportés des Chagos. Hein. En effet. Alors les travaux, ils sont considérables aussi. La magnifique baie naturelle de Diego Garcia est aménagée pour recevoir des porte-avions et des sous-marins nucléaires. On y construit d'immenses entrepôts pour stocker combustible, armes et munitions. Puis un peu plus tard, en 1978, des travaux d'allongement de la piste d'atterrissage sont entrepris afin d'accueillir les monstrueux bombardiers B-52. Diego Garcia est dorénavant une pièce essentielle du dispositif militaire des États-Unis. Mais sur le plan juridique, l'affaire est loin d'être terminée. Et les Chagossiens protestent? Certainement, mais ils vont mettre du temps à s'organiser. Non, ce sont tout d'abord les pays riverains qui donnent de la voix, parce que la militarisation de leur espace les inquiète. Et pour les tranquilliser, les États-Unis promettent qu'aucun engin ou arme nucléaire ne serait déployé à Diego Garcia. Oui, une promesse qui sera tenue, hein? Bien sûr que non. Puis en août 1975, c'est un membre de l'opposition mauricienne, un ancien ministre, qui saisit la Haute Cour de justice de Londres du cas désespéré des Chagossiens, toujours parqués dans les bidonvilles de Port-Louis, à Maurice. Et s'il agit ainsi, c'est qu'en principe, ces déportés sont toujours des citoyens britanniques. Oui, l'argument est imparable. Mais vous allez constater, la Haute Cour prendra son temps avant de se prononcer. En attendant, un sénateur états-unien met les pieds dans le plat. Et en cette même année, 1975, il révèle publiquement le marchandage dont les Chagos ont été l'objet. Oui, entre son pays, la Grande-Bretagne et Maurice. En effet. Puis on observe un curieux retournement. Le président mauricien, Sir Angoulam, celui qui 10 ans plus tôt a si facilement abandonné l'archipel aux Britanniques, revendique officiellement la restitution des Chagos. Il en profite aussi pour exiger de nouvelles compensations financières. Et au passage, pour faire bonne mesure, il demande à la France la restitution de l'îlot de Tromelin, un rocher inhabité perdu dans l'océan Indien et rattaché à la Réunion. À l'ONU, à nouveau appelée à examiner la situation de l'archipel, on parle alors de l'excision des îles de Chagos du territoire mauricien. L'expression est forte, hein. Mais les Américains et Britanniques font le gros dos. Il faut attendre l'an 2000 pour que les Chagossiens remportent enfin une incontestable et première victoire. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'écrivaine Shehnaz Patel est mauricienne. Elle a publié en 2005 « Le silence des Chagos ». D'une plume sensible, elle décrit la déportation des Ilois, contraints à embarquer sur le cargo affrété par les autorités britanniques. Extrait. Le Norvert n'attendrait pas. C'était son dernier voyage, leur avait-on lancé. Et ils devraient tous embarquer jusqu'au dernier. Mais leurs affaires, leur maison, pour aller où ? Une heure. Ils avaient une heure, pas une minute de plus. Une série d'images brouillées se télescope dans la tête de Raymonde. Elle se souvient vaguement de la course qui les a ramenés dans leur case, de l'agitation fébrile et aveugle pour tenter de choisir ce qu'ils prendraient ou pas. On ne décortique pas sa vie comme une noix de coco. Il fallait tout emporter, mais comment ? Ils n'avaient même pas de valise. Elle avait jeté un grand drap à terre et y avait accumulé tout ce qui lui tombait sous la main. Quelques vêtements, des oreillers, deux casseroles, les trésors que les enfants y ajoutaient, un coquillage nacré, des toupies en graines de filao, des baguettes de cerf-volant. Le chien, mais le chien ! Comment pacter toute une vie en une heure ? Na na na na na na na na na na na na. En 2000 donc, la Haute Cour de justice de Londres rend enfin sa décision. 25 ans après avoir été saisi. Hein. Mais les Chagossiens ont appris malgré eux à être patients. Cette haute instance décrète que le dépeuplement des Chagos a été illégal car il violait la charte de l'ONU sur la décolonisation. Conséquence, la création de ce TBOI, le territoire britannique de l'océan Indien, est-elle aussi illégale ? Les Chagossiens doivent donc être autorisés à retourner dans certaines îles de l'archipel. Oui, mais pas dans toutes. Et l'exception, vous l'avez deviné, c'est Diego Garcia. Oui, pas de touche à la base américaine. Qui a déjà fait la preuve de son utilité lors de la première guerre du Golfe. C'est de Diego Garcia qu'ont décollé les B-52 et des avions furtifs qui sont allés bombarder l'Irak. En outre, la base s'est encore agrandie et accueille maintenant des sous-marins états-uniens à propulsion nucléaire. Mais il est vrai qu'à la suite de la décision juridique prise à Londres, les Chagossiens, qui avec leurs descendants sont désormais plus de 8000, peuvent espérer retrouver leurs îles. Mais un événement va briser leur espoir. Et quoi ? Les attentats du 11 septembre à New York. Au moment où George Bush lance l'offensive générale contre le terrorisme, il n'est pas question d'autoriser les Chagossiens à revenir chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils pourraient se glisser parmi eux quelques terroristes ? C'est la crainte un peu fumeuse des Américains qui ne veulent voir personne rôder autour de leur base. D'autant que Diego Garcia joue à nouveau un rôle indispensable dans la guerre engagée contre les talibans afghans. Ça n'empêche pas le gouvernement mauricien de revendiquer à nouveau devant l'ONU. Deux mois après le 11 septembre, alors que tous les jours des B-52 décollent de Diego Garcia pour aller bombarder les montagnes afghanes, Maurice invoque le droit international de la décolonisation. Mmh. Avec des résultats ? Non, aucun. Les puissances occidentales, y compris la France, font bloc pour repousser les revendications mauriciennes. Pourtant, en 2002, Londres fait un tout petit geste en acceptant de financer le voyage d'une centaine d'Ilois à la condition d'éviter Diego Garcia. Ouais, voyage, mais enfin, il n'y a pas question de retour. Hein. Non, il s'agit simplement d'un aller et retour. Le temps pour ces Chagossiens de revoir leurs îles et de visiter leurs cimetières abandonnés. Mais même ce petit cadeau leur est finalement refusé. Le voyage n'aura pas lieu. Cependant, la question incontestablement embarrasse le gouvernement britannique. La preuve, c'est qu'il tente une nouvelle manœuvre pour apaiser les Ilois. Quelle manœuvre, hein ? Londres, qui s'y était jusque-là refusé, décide soudain d'octroyer la citoyenneté britannique à part entière à toutes les populations des Chagos. Ceux qui y sont nés avant leur expulsion et aussi leurs enfants nés à Maurice de mère ou de père chagossien. Ouais, ça signifie donc qu'ils peuvent dorénavant, s'ils veulent, émigré en Grande-Bretagne. Oui, mais enfin, ça ne règle rien. D'abord parce que ces gens très pauvres n'ont même pas les moyens de faire le voyage. Et surtout parce que ce qu'ils veulent, c'est retrouver leurs îles et pas autre chose. En outre, cette décision surprise ne peut pas satisfaire le gouvernement mauricien qui exige toujours le retour des Chagos dans son giron. On note d'ailleurs que les relations entre Maurice et la Grande-Bretagne ne cessent de se tendre. Ouais, mais c'est la lutte du pot de terre là contre le pot de fer. Que peuvent les Mauriciens ? Bah, pas grand-chose, vous avez raison. Mais par exemple, ils menacent de quitter le Commonwealth afin de pouvoir porter le contentieux devant la Cour internationale de justice de La Haye avec l'aide des Nations Unies. Attendez, parce que tant que l'île fait partie du Commonwealth, il lui est impossible de saisir la Cour de La Haye ? En effet, c'est la règle. Tout différent entre États doit être résolu au sein de l'organisation, sans intervention extérieure. Il n'empêche qu'une fois de plus, Londres prend la menace au sérieux. Le Premier ministre, Tony Blair, doit même prendre des mesures d'exception pour contrer le projet mauricien. Désormais, un amendement interdit à tout membre ou ancien membre du Commonwealth d'engager des poursuites judiciaires contre le gouvernement britannique. Dans le même temps, en juin 2004, le même Tony Blair se débrouille pour revenir sur la décision de la Haute Cour de Londres. Il prend deux décrets au terme desquels il est interdit à quiconque de pouvoir accéder aux Chagos. Oui, zone interdite. Exactement. Oui. Mais comment justifier une décision qui raye d'un trait de plume une délibération de la plus haute instance juridique du royaume ? Londres va user une nouvelle fois d'un subterfuge. Le gouvernement britannique soutient que le repeuplement de la zone des Chagos serait une menace pour l'environnement. L'environnement ? Oui, et vous allez voir, cet argument parfaitement hypocrite resservira. Et la base de Diego Garcia, elle, ne nuirait pas à l'environnement ? Ah ben la question n'est bien sûr pas abordée. En tout cas, les deux décrets de Tony Blair ne mettent pas fin à la guéguerre juridique. La Haute Cour de Londres s'empresse de les retoquer. Elle donne donc raison aux Chagossiens. Mais en 2007, le gouvernement britannique fait appel, tandis que l'instance suprême de la Chambre des Lords donne un avis favorable aux revendications exprimées par les représentants des Chagos. Ça veut dire que les Chagossiens ont fini par s'organiser. Deux mouvements ont été créés. Malheureusement, pour la cause qu'ils défendent, ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais en gros, une première organisation, le groupe Réfugiés Chagos, n'entend pas prendre parti dans le conflit territorial entre la Grande-Bretagne et les Mauriciens, et se contente de réclamer le retour des habitants dans le cadre du TBOI. Dans le cadre colonial, donc. Oui, et en tant que citoyen britannique. Mais la deuxième organisation, le Comité social des Chagossiens, refuse la nationalité britannique et affirme que les Chagossiens sont avant tout des Mauriciens. Ouais. Et quelle est leur position, là, ces mouvements à propos de Diego Garcia ? Il est assez singulier de noter qu'aucune des deux organisations n'exige le départ des Américains. Elles veulent simplement que le droit au retour leur soit reconnu. Et c'est aussi la position des autorités mauriciennes. Oui, parce qu'elles ont peur de s'attaquer aux États-Unis. Ah ben, c'est un bien trop gros morceau, oui. Et d'autre part, les Chagossiens et les Mauriciens savent que jamais Washington n'acceptera d'abandonner sa base. Aussi s'étonnent-ils, pourquoi serait-il impossible que les Îlois vivent en bonne entente avec les militaires états-uniens de Diego Garcia, comme c'est le cas dans d'autres bases de l'armée américaine, aux Philippines, par exemple. Ouais. Leur revendication est donc très, très mesurée. Hein. Et en mars 2006, on leur octroie une petite faveur. 101 Chagossiens sont enfin autorisés à faire un aller-retour à Diego Garcia. À ce voyage qui leur a été promis en 2002. Oui, qui a été remis à plusieurs reprises. Mmh. Mais est-ce que ça signifie qu'on se dirige vers l'apaisement ? Non, parce qu'ensuite, plus rien ne bouge. C'est si vrai qu'en octobre 2009, le prix Nobel de littérature, l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio, mauricien de naissance, envoie une lettre ouverte au président Obama. Qu'écrit-il, là ? Évoquant la vague d'espoir qu'a soulevé l'élection de ce président noir, Le Clézio dénonce l'injustice faite aux Chagossiens, peuple africain, venu de l'Est au temps de l'esclavage. Et il donne des faits précis. Pourquoi ? Sous le prétexte de la menace terroriste, l'armée américaine leur a même refusé de venir fleurir les tombes de leurs ancêtres. Ouais. Y a-t-il une réponse, là ? À ma connaissance, non. Toujours en 2009, le groupe Réfugiés Chagos entreprend une action devant la Cour européenne de justice aux fins d'obtenir le retour des 8000 Chagossiens chez eux. Coïncidence, au même moment, la Grande-Bretagne entame une consultation publique en vue de faire de l'archipel un parc naturel marin sans habitants. Ni les représentants des Chagossiens, ni le gouvernement mauricien n'ont été informés. Et il faut observer que si le projet exclut toute présence d'habitat humain dans cette réserve naturelle, Diego Garcia n'est pas concerné. Il faut permettre aux États-Unis de conserver leur base. C'est évident, et ça ne trompe personne. Surtout pas les Mauriciens qui s'indignent. Comment peut-on créer une zone protégée autour d'une base militaire qui abrite des armements nucléaires? Leur gouvernement exige donc l'arrêt immédiat du projet et demande aux organisations militant pour la protection de la nature, comme Greenpeace, de dénoncer l'initiative britannique. Mais ça ne fait pas reculer Londres. Ouais. Qui a mis à exécution son projet, là? En effet, en octobre 2010, la Grande-Bretagne a créé une zone marine protégée dans la zone des Chagos. La réserve s'étend sur une surface de près de 550 000 km². Et la pêche commerciale y est interdite. Maurice a soumis l'affaire à l'arbitrage du Tribunal international de la mer. Mais je doute que l'île obtienne satisfaction. Quoi qu'il en soit, avec la création de cette zone protégée, Londres espère avoir définitivement mis fin aux revendications des Chagossiens, ce qu'on appelle non sans mépris les vendredis. Une allusion au compagnon noir de Robinson Crusoe. Mais d'autres, hein, je l'ai lu, moi, d'autres les appellent aussi les Palestiniens de l'océan Indien. Bien entendu. Et dans cette mesure, on ne peut que déplorer la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dont je vous parlais au début de cet entretien. La Cour qui a donc déclaré irrecevable la plainte des Chagossiens. C'est ça. Aussi, il faut craindre que ces pauvres gens n'obtiennent jamais justice. D'autant plus que les Américains ont aujourd'hui besoin de Diego Garcia. C'est sur cette base qu'ils stockent des centaines de puissantes bombes Bunker Busters. Des munitions qui pourraient être utilisées si les États-Unis se décidaient à attaquer les sites nucléaires iraniens. Bonnes vacances à tous, je vous retrouve à la fin de l'été, mais pour rester avec nous, je vous recommande la lecture du livre que j'ai signé avec Monsieur X, Les grands mensonges de l'histoire, un livre naturellement coédité par France Inter. Et justement sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer une dernière fois avec nous pour la saison. Ce programme a été, comme d'habitude, préparé par Rebecca Denante, réalisé par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djoumba. Tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.